quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un que je n'aurais pas dû oublier. Et tous ces cris qui me montent à la tête, si je savais juste comment les aider. Tu prendras ma place et tu les sauveras. Donnez-moi une vie, donne-moi une vie. J'aurais eu la chance de pouvoir te sauver et de te donner. Redonne-moi une fille, donne-moi une chance de sauver leur univers. Je ne sais pas comment faire, mais je les sauverai de cet univers céleste. Je ne sais pas comment faire, comment faire. Se sont détruites, comptons nos vies pour ne plus rien dire. Est-ce que nos souffles valent à ce point qu'on appelle la mort pour se faire un peu écouter? Tu prendras ma place et tu les sauveras. Donnez-moi une vie, redonne-moi une vie. J'aurais eu la chance de pouvoir te sauver et de te donner. Redonne-moi une vie. Donne-moi une chance de sauver leur univers. Je ne sais pas comment faire, mais je les sauverai de cet univers céleste. Je ne sais pas comment faire, comment faire, comment je m'en irai dans la voie lactée, sauver les ombres qui sont torturées, pour égayer le désespoir qui vous plante d'un poignard. Sauver leur univers, je ne sais pas comment faire, mais je les sauverai de cet univers céleste. Je ne sais pas comment faire, donne-moi une chance.